Le jour se lève sur Miami. Des jolies filles, du soleil, une eau turquoise, des plages à perte de vue. Ici, c'est les vacances toute l'année. Miami, la ville de tous les excès et de toutes les extravagances. Tout y est fait pour le show-off. On aime l'argent et ça se voit. À Miami, soit vous êtes milliardaire, soit vous êtes à leur service. Iman et Rodrigo font partie de cette deuxième catégorie. Ils sont concierges de luxe. Iman et Rodrigo sont salariés d'une société qui propose toutes sortes de personnels de maison. Des jardiniers, des femmes de chambre, mais aussi des super débrouillards comme eux. Ils sont censés répondre aux caprices, même les plus fous, des clients les plus exigeants. Après avoir travaillé plusieurs années dans la communication, Iman s'est lancé dans la conciergerie de luxe il y a maintenant 2 ans. Cette franco-marocaine de 34 ans vit aux États-Unis depuis l'âge de 16 ans. Elle en aurait presque perdu son français. Le service qu'on produit, c'est le service de yes. Everything is yes, yes, yes. Parfois, c'est difficile. Parfois, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a toujours une alternative. Rodrigo, son supérieur, lui, est péruvien. Il vient de la restauration et cela fait maintenant 5 ans qu'il est au service des riches. Iman et Rodrigo exercent ce métier avec passion. Il faut dire qu'avec ce genre de clientèle, ils en voient vraiment de toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'on a eu comme demande bizarre dernièrement? Je me souviens plus. Mais si, souviens-toi. Il y avait ceux qui voulaient manger en pleine nuit dans les Everglades. Ah oui, ceux qui voulaient manger des queues de crocodile. Oui, ils voulaient manger dans le parc national. Ils voulaient que tout soit prêt tout de suite. C'est comme s'ils le voulaient pour hier. Pour eux, on était déjà en retard. Pour trouver les queues de crocodile à minuit, mais vraiment, c'était la fin du monde. Vous avez réussi ou pas ? Bien sûr. La queue de crocodile à minuit, on se l'est procurée, il faut quand même. Et ils étaient contents, ils étaient assez contents. Et aujourd'hui, Iman doit répondre à une demande un peu spéciale. On lui a commandé un yacht de 35 mètres, juste le temps d'un déjeuner. Elle se rend à la villa du client sur Palm Island, une île paradisiaque pour milliardaires en vacances. Ici, elle est un peu comme chez elle. Iman a trouvé le yacht rapidement. Il doit bien sûr être livré à domicile. Mais la prestation ne s'arrête pas là. Hello guys. Hi. Bonjour, comment ça va? Tout est prêt? Elle doit aussi superviser le service. Un service 5 étoiles. Wonderful. Perfect. Et celui qui s'offre tout ça, c'est Christian Jagosinski, un milliardaire allemand de 40 ans. Ce mini Bill Gates a fait fortune en vendant des logiciels pour Internet. Votre bateau, Christian ? C'est un bateau que je suis loué pour la journée. Mes copains. Moi, j'achète pas les bateaux parce que ça fait pas de sens. On a trop de soucis avec. Et surtout à Miami, on est à 500 mètres d'un grand marina où on peut louer tous les bateaux qu'on veut, toute la taille. J'ai un voilier ou 100 pieds ou 50 pieds. On appelle, ils amènent tous les bateaux qu'on veut. À la tête d'une fortune de 50 millions d'euros, il ne veut pas perdre de temps avec les soucis du quotidien. Alors, dans sa magnifique villa, il y a en permanence une dizaine d'employés à son service. Des jardiniers, des hommes à tout faire, mais aussi des femmes de chambre. Aujourd'hui, pourtant, ça ne lui suffit plus. Alors, pour ses petits caprices, il fait appel à ses concierges privés. Pour cette sortie en mer, Iman va être assisté de Jacqueline. Jacqueline est ce que l'on appelle un majordome. Elle est juste là pour servir le client. Vous voulez que je les place où exactement? Je pense qu'au milieu, ce serait mieux. Bon, je pense qu'on est prêt maintenant. Ok, donc je vais faire monter les invités. Hello. Bonjour, bienvenue à bord. Nice to meet you. Please welcome. Pour cette prestation, Iman va, en plus de son salaire, prendre un pourcentage sur la location du yacht. À la fin du mois, sa paie peut atteindre jusqu'à 4000 euros. Et c'est parti pour une petite croisière entre amis dans un décor exceptionnel. Au milieu des buildings de Miami Downtown et des cocotiers des îles de milliardaires. Christian Jagosinski, lui, ne veut s'occuper de rien. Il est là pour profiter. Alors Iman, elle, doit penser à tout. Désirez-vous du champagne ? Oui, c'est une très bonne idée. Même sur un yacht, Jacqueline n'oublie pas de respecter l'étiquette du service. Normalement, on est censé servir avec une serviette sur le bras. Mais comme là, on n'en a pas, je préfère mettre ma main derrière le dos. Un savoir-faire que les clients ne remarqueront même pas. Présente à moins de 4 mètres du client, Jacqueline et Iman doivent rester les plus discrètes possibles, toujours dans l'ombre de leur patron. Le service, pour mon avis, va être invisible au maximum. Il va être là, il va tout avoir préparé déjà avant qu'on ait même besoin. Tout doit toujours être disponible, mais on ne veut pas le voir, on ne veut voir personne. On essaie d'anticiper leur désir, ce qu'ils veulent. Ils veulent sentir qu'ils sont seuls, mais en même temps qu'ils peuvent être servis à n'importe quel moment. En plus de la location du yacht, Christian Jagosinski débourse 400 euros juste pour se faire servir le temps d'une petite balade en mer. C'est le prix à payer pour satisfaire une envie de dernière minute. Vous avez décidé au dernier moment ce petit tour de yacht avec vos amis et ça s'est fait comme ça. Ouais, parce qu'après il faut aussi voir un peu le temps qu'il fait. On ne veut pas être sur le bateau s'il pleut. Alors si je le planifie une semaine à l'avance, qui va me dire qu'il va faire beau? C'est comme ça qu'il faut le faire. Sans ça, les moments inoubliables. Malheureusement pour nos concierges de luxe, il n'y a pas que pour les yachts que Christian Jagosinski s'y prend au dernier moment. La nuit tombe sur Miami. La croisière terminée, Iman et Rodrigo pensent pouvoir rentrer chez eux. Seulement un appel de dernière minute va chambouler leur soirée. Cette fois, le milliardaire allemand a une petite envie de dîner japonais dans sa villa. Direction le meilleur restaurant de la ville, le seul qui trouve grâce aux yeux de Christian Jagosinski. Bonsoir. Je viens pour passer une commande à emporter. Pour la commande, Rodrigo n'a pas de consigne. Seul impératif pour lui, que cela soit rapide. Il a des invités et il faut que tout soit prêt dans une heure. Et pour le choix, il vous fait confiance ? Oui, on est arrivé à un tel niveau de confiance que maintenant je peux choisir pour lui. Et 25 minutes plus tard, nos deux concierges se transforment en livreurs de luxe. Et ce n'est pas parce que tout est déjà prêt qu'il ne faut rien faire. Il est près de 20h, le compte à rebours est lancé. Ici, ça va être le plan de travail. C'est Iman qui s'en occupe et moi je gère le reste. Impossible de servir cette nourriture à emporter dans les barquettes. Après avoir été livreurs, ils vont maintenant se transformer en maîtres d'hôtel. Service de grand standing, verre en cristal, couvert en argent. La soupe, elle, passe des gobelets en plastique à la soupière en porcelaine. Ça change le goût, apparemment. Tu crois que ça soit un repas de grand chef ? Un repas d'un grand chef qui a cuisiné et qui l'a disparu. C'est ce qu'ils veulent voir. Alors que Rodrigo et Iman s'agitent en cuisine, Christian Jagosinski et ses invités prennent du champagne sur l'une des terrasses extérieures. C'est à peine s'ils ont remarqué la présence d'Iman et Rodrigo. L'heure tourne. La table est quasiment dressée. Oui, yes. Mais en cuisine, Iman n'est pas du tout prête. Alors Rodrigo commence à s'agacer. Ok, Iman, est-ce qu'il y a une autre salade ? Oui, là. Ok, et la vinaigrette ? Tu sais si la vinaigrette va avec ? Est-ce que tu l'as goûtée ? Ok, on est prêt. Tu es prête, toi ? Oui, attends, Rodrigo, j'arrive. Bon, je te rappelle. Moi aussi, j'essaye de faire de mon mieux. Il est dur, non ? Il est trop focus, il veut faire ça et s'en aller. C'est-à-dire, il ne veut pas perdre du temps, non, du tout. Un peu tendu, Rodrigo, et pour cause. C'est lui qui est confronté au client qui s'impatiente. Hello, Christian. On veut manger, tout le monde a faim. On est prêt. Ramenez le vin à l'intérieur. Okay. D'accord. Okay, excellent. Hello. Bonsoir. Hey. Hi, how are you, Patricia? How are you? Hi. Rodrigo, quelle est la sauce qui va avec la salade? Il y a celle-là et la vinaigrette. So, what sauce is for what? C'est du foisonnant pour l'instant. Tout est très bien. Bon, là, on est à l'entrée. C'est un peu long quand même. On aurait peut-être fait un petit peu plus tôt, mais. Oui, parce que normalement, c'est très rapide. Ouais, normalement c'est très rapide. C'est comme un dîner à domicile parce qu'on avait le service avec, tout est bien présenté. C'est pas du tout le même comme ils font d'autres gens avec le chinois qui. Ou dépose un petit sachet à la porte et après il faut régler tout en cash. C'est un peu le pizza prend, mais bien amélioré, un peu plus façon luxe. Absolument, c'est façon luxe. Livraison à domicile, façon luxe. Et en plus, ça permet à votre épouse de rester avec vous le temps d'apéritif. Moi, j'adore ça, surtout parce que. De ne pas faire la cuisine, surtout. Non, mais c'est un privilège qu'on a si on peut se permettre d'avoir des gens. Qui sont là disponibles tout le temps. Disponibles en permanence. Mais à la fin du service, fatigués, Iman et Rodrigo commencent à trouver le temps long. Ils veulent maintenant prendre congé et rentrer chez eux se reposer. Allez, encore quelques minutes. Yeah. Oui. Et on y va. Tu es fatigué, hein ? Oui, je suis morte de fatigue. Vous allez dire à Monsieur Jagosinski que vous voulez partir ? Oui, je vais aller lui parler. Je vais lui demander si tout va bien et si nous pouvons partir. Normalement, à cette heure-ci, on devrait déjà être parti. Mais difficile de trouver le bon moment sans froisser le client. Plusieurs tentatives. Sans succès. Cela fait maintenant 14 heures qu'ils sont sur le pont. Mais malheureusement, ils ne sont pas payés au temps de présence. Il est occupé. Vous aussi, vous voulez partir ? Oui, je veux vraiment partir maintenant. C'est l'heure. Il est maintenant plus de minuit, alors Rodrigo prend son courage à deux mains. Christian, tout va bien ? On peut partir ? Oui, tout est parfait. Vous pouvez y aller. Merci. Bonne soirée. Thank you all. So now we go. Ok, maintenant c'est bon. On peut partir. Être au service des riches, ça ne s'improvise pas. Pour former ce personnel d'exception, il existe même des écoles spécialisées. Un décor de western, en plein cœur des États-Unis. Nous sommes dans l'État du Colorado, à Denver. C'est ici, au pied des buildings, que se trouve l'une des plus anciennes écoles de majordomes. L'une des plus sélectives aussi, la Stark Institute. Oui, bonjour, Stark Institute. Marie-Louise Starkey, la directrice de l'établissement, nous accueille dans cette maison dans le plus pur style victorien. Bibliothèque d'époque, parquet ciré, porcelaine au mur. Ici, le temps semble s'être arrêté au début du siècle dernier. C'est ma décoration de printemps. Et je change à chaque fois pour mieux sentir les saisons. Pour sentir les saisons? Oui, il faut se sentir ici comme dans une vraie maison. Une maison luxueuse, censée reproduire à l'identique le style de vie des futurs employeurs. Marie-Louise Starkey a 59 ans. Elle a consacré toute sa vie à former du personnel de service haut de gamme. Dans le métier, on l'a même surnommée la First Lady du service. Le service a une réputation d'esclave dans ce pays. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que le service? C'est une relation entre celui qui donne et celui qui reçoit. Les deux ont un rôle à jouer. Cela ne doit pas être déséquilibré. Chacun a sa place. Depuis que Marie-Louise Starkey a ouvert cette école il y a plus de 20 ans, ce sont plusieurs générations de majordomes qui ont reçu son enseignement. Aujourd'hui, tous travaillent aux quatre coins du monde pour les personnes les plus fortunées. J'ai des anciens élèves au Canada, mais aussi bien sûr aux États-Unis et à Hawaï. J'en ai même en Chine. Il y en a partout. Ils travaillent tous pour des gens très riches? La plupart d'entre eux travaillent pour des gens qui pèsent 300 millions d'euros, et même plus. Deux étages en dessous, la nouvelle promotion remplit une évaluation de connaissances sur les règles du service. Ils sont quatre. Ils n'ont plus l'âge d'aller à l'école. Et s'ils sont venus ici, c'est qu'ils ont décidé de se reconvertir dans un nouveau métier. Celui de majordome en chef. Il y a David, un ancien chef cuisinier de 36 ans venu de Washington. Une ex-femme de chambre, mère de deux enfants, Kirsten, âgée de 38 ans. Mais aussi Carlos, un chauffeur de 35 ans, envoyé en formation par son patron. Enfin, il y a Craig, un militaire de la Navy. Lui prépare sa reconversion dans le privé. Il est 8 heures précises, arrivée de Debra Bullock. Cette femme va les accompagner tout au long de la formation. Avant de commencer les exercices pratiques, elle débute par une séance vidéo. Au programme, les vestiges du jour. Anthony Hopkins y joue le rôle d'un majordome qui, après 30 ans de bons et loyaux services, se demande s'il n'est pas passé à côté de sa vie. Ah, les tâches quotidiennes. Mais non, c'était le vieux temps. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Repasser le journal. Non mais... Pour Debra Bullock, cette projection est surtout un moyen de les faire réagir sur les fondamentaux du métier et les sacrifices liés à la profession. Wake up, everybody. Alors, comment vous décririez son style de service? C'est très strict, très formel. Très formel, oui. Aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est plus international. Les étrangers qui vivent aux États-Unis veulent un service différent. Pas forcément sur le modèle du majordome anglais de la vieille école. Butler, old guard kind of service. Je ne sais pas si je pourrais le faire, moi. Vraiment. Pensez-vous qu'il était heureux? Non, je ne pense pas. Comment aurait-il pu être heureux, alors? Il aurait pu prendre un jour de congé. Qu'est-ce que vous retenez de ce film? Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Il faut savoir penser comme la personne pour laquelle vous travaillez. Vous devez deviner ce dont ils ont besoin sans toujours leur demander. Vous savez exactement ce qu'ils veulent. Les époques changent, mais les qualités requises pour exercer ce métier restent les mêmes. Nos quatre étudiants ont un mois pour maîtriser les rudiments du parfait majordome. Après quelques jours de formation, l'ancien cuisinier David Schumacher commence à rentrer dans la peau de son futur métier. Fini le tablier de cuisine, désormais il doit se présenter chaque jour dans une tenue impeccable. Et vous avez une tenue spécifique pour chaque tâche ? Oui, pour le matin, on met le polo et un pantalon en toile. Et pour le reste de la journée, on a un blazer, le même pantalon, une cravate et une chemise blanche. Pourquoi ? C'est comme ça, ça fait partie de l'étiquette. Mais si David a décidé de quitter définitivement ses fourneaux, ce n'est pas pour le style vestimentaire. Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Les horaires me conviennent mieux ? Le salaire est meilleur ? Être capable de s'occuper de quelqu'un et savoir exactement ce qu'il veut, c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse. Ce matin, David est en charge de ce que l'on appelle les daily graces, les tâches quotidiennes. J'ouvre la maison, j'allume les lumières, tout est prêt pour la journée. Ici, ce sont les principes voulus par la propriétaire. À 37 ans, ce célibataire sait que cette école est l'une des dernières chances pour réussir sa reconversion. Une formation de 4 semaines qui coûte près de 8000 euros. Alors il a fait de nombreux sacrifices. J'ai dû mettre mon appartement en location. J'ai emprunté pas mal d'argent. Donc, j'espère travailler très vite pour tout rembourser. J'ai pas fait ce choix uniquement pour l'argent. Mais bon, ça en fait partie. J'espère vraiment décrocher un emploi avec un bon salaire. Vous serez mieux payé que votre travail d'avant ? Ouais. Et le jeu en vaut la chandelle. Un chef de maison peut gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Mais avant de pouvoir prétendre à un tel salaire, David, Kirsten et les autres doivent maîtriser toutes les tâches du quotidien, même les plus ingrates. Toujours sous la surveillance intraitable de leur prof principal. Je vois tout. Je fais attention aux détails. Et ils devront faire pareil dans le futur. Vérifier que tout est propre, que tout est en place. Vous savez, chaque détail est important. Il y a aussi l'épreuve redoutée du repassage. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous humidifiez comme ça, soit vous vaporisez. Si pour Kirsten, l'ancienne femme de chambre, ce cours est une formalité, pour les 3 autres élèves, en revanche, ce n'est pas du luxe. Okay. ce côté toujours en premier. Ah, d'accord. Mais les responsabilités d'un majordome en chef vont bien au-delà de l'entretien d'une maison. Ce matin, les élèves sont de sortie. Direction un grand centre commercial de Denver. Debra Bullock va tenter de les familiariser avec les grandes marques de luxe et leur faire découvrir l'univers des riches. Les magasins que je veux vous montrer sont des magasins que vous ne connaissez pas trop, comme les boutiques Montblanc, Tiffany, Louis Vuitton ou Burberry. Vous devez les connaître, car vous allez sûrement devoir y aller un jour pour acheter des cadeaux ou même faire du shopping pour vos futurs patrons. Vous devez donc vous familiariser avec ces boutiques de luxe. C'est la première fois qu'il rentre dans ce genre de boutique. Tous sont encore sous le choc. Acheter des valises à 15 000 euros. Vous vous rendez compte? Ce sont des endroits dans lesquels je n'irai pas pour moi. Que pensez-vous des stylos? Ouais, c'est cher. Vraiment cher? Ouais, vraiment. 300 euros le stylo? Regardez le mien, il ne coûte pas si cher. Mais il écrit aussi bien. Vous aimeriez avoir ce genre de stylo? Non, je le perdrais. Celui-ci me convient. Dépasser leurs propres sentiments et commencer à penser comme leur futur employeur, c'est tout le but de cet exercice. Un défi que Craig est prêt à relever. Pour l'instant, c'est difficile de se l'imaginer, mais je dois être professionnel et faire bien mon travail en sachant que ce n'est pas en mon nom que je vais dans ces magasins. Mais je suis sûr que je vais réussir à penser autrement. De toute façon, je n'ai pas le choix. La formation de nos élèves va les entraîner dans d'autres univers encore plus luxueux. Et ils n'ont pas fini d'être surpris. Aujourd'hui, direction l'aéroport, ou plus exactement les bureaux d'une société de jet privé. Ce que vous devez savoir, c'est que si vos clients voyagent en jet privé, c'est avant tout pour gagner du temps. Nous, ce que l'on peut proposer, c'est l'accès à 240 aéroports sur le territoire américain. Ils n'ont pas besoin d'être là 2 heures avant le départ. Leur voiture les pose juste devant l'avion. Ils viennent au dernier moment. Le client a aussi l'assurance de confidentialité. Personne ne doit savoir qu'il a pris l'avion, même si c'est pour aller récupérer des affaires chez son ex-femme. On protège avant tout notre client. On réserve les chambres d'hôtel sous d'autres noms, les limousines, les restaurants aussi. Vous vous occupez de tout ça? Être au service de riches personnes, c'est aussi rentrer dans leur intimité, avec parfois des situations délicates à gérer. Dans l'avion, vous devez tout faire, quitte même à enlever les cheveux de la belle blonde que monsieur a rencontrée à Vegas. Quelles sont vos demandes les plus bizarres ? Hookers. Les prostituées. Dans le jet? Oui, ça arrive. Vraiment? Certains veulent des brunes, d'autres des grosses. Comment vous réagiriez si votre patron vous demandait des prostituées? You call Chris. Vous diriez oui, monsieur? Ça dépend. S'il est marié, je ne serais pas à l'aise avec ça. Écoutez, il faut avoir certaines limites. C'est important d'avoir de l'intégrité dans ce métier. Et moi, je sais qu'avec ce genre de situation, je ne serais pas très à l'aise. C'est leur propre choix. Nous, on les prévient qu'ils risquent d'être confrontés à ces situations. Mais maintenant, s'ils ne sont pas à l'aise avec ça, il faut peut-être qu'ils changent d'employeur. Kirsten, Craig, Carlos et David poursuivent leur formation à un rythme intensif. Si la cuisine reste son terrain de jeu, David montre encore des faiblesses dans d'autres secteurs, comme le choix des parures de draps. En tant que chef, je n'ai aucune difficulté à choisir du caviar. Mais pour ce qui est des draps, c'est une toute autre histoire. Alors c'est bon que j'apprenne. En bon élève, Carlos, lui, répète ses gammes en salle de repassage. Chaque détail compte. Surtout quand votre patron veut que leur passage soit parfait. Parti avec beaucoup de lacunes, Kirsten commence à comprendre qu'elle aussi peut être à la hauteur. Maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Le flegmatique Craig, quant à lui, continue à prendre les choses avec le sourire. On attend. Encore. Après plus de 3 semaines de formation, la dernière grande épreuve approche. Celle du dîner protocolaire. Comme pour chaque promotion, Marie-Louise Tarki organise un dîner avec des notables de la ville afin de passer de la théorie à la pratique. Le dîner de la fin, c'est pour que les élèves apprennent. J'espère qu'ils feront des erreurs ici et qu'ils ne les referont pas plus tard. Si vous n'apprenez pas le plus haut niveau tout de suite, qu'est-ce que vous faites si le président vient dîner? Ou un diplomate, ou un général, ou un amiral, ou même un pape, ou un cardinal. Vous savez, leurs futurs employeurs, ce sont eux. That's who comes. Les gens puissants du monde. Cette épreuve n'est pas à prendre à la légère. Les élèves n'ont plus que quelques jours pour être à la hauteur. Paris. C'est dans le quartier des Batignolles, dans un ancien atelier d'artiste, qu'est installée une agence spécialisée dans l'organisation de mariages haut de gamme. Julie, sa directrice, est une jeune maman de 29 ans. Parmi ses proches collaborateurs, il y a Manuel, tout juste la trentaine, et Sandrine, à peine 40 ans. Leur rôle ? Offrir un mariage exceptionnel à des couples fortunés qui n'ont surtout pas envie de se soucier des tracas de l'organisation. L'idée, c'est de travailler en fait en collaboration avec les mariés pour que le jour J, ils aient juste à profiter et qu'ils nous confient leur budget et qu'on réalise tout ce qu'ils ont en tête. Au niveau artistique, au niveau mise en scène, etc. Des mariages en France et à l'étranger. Dans 2 jours, justement, ils partent à Marrakech pour organiser 2 mariages de Français. Et là-bas, tout est beaucoup plus compliqué. Première difficulté, on est à Marrakech. Donc, au niveau de tous les déplacements, c'est très difficile. 2, on a 2 mariages en même temps. Donc 2 mariages en même temps pour dispatcher l'émission entre qui est là tel vendredi, qui fait la cérémonie, qui fait la soirée, c'est assez difficile. C'est faisable, mais c'est difficile. Il y a un vrai défi parce que on va monter quelque chose qu'en France on gérerait très facilement parce qu'on a les prestataires pour. Là-bas, c'est déjà plus difficile. Tout est monté. Il y a plus... 60 000 euros pour chaque mariage. Les budgets sont importants. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Alors c'est de Paris qu'ils préparent leur plan de bataille. Comme on a les deux 4x4, vous prenez un 4x4 tous les deux. Vous allez, on va à la Villa Las Palmeras. Moi, je prends l'autre 4x4. On va à la Villa Las Palmeras. Après, on se sépare. Vous allez à l'église pour mettre en place l'église pour revoir. Moi, je vais au terrain. Les porteurs qui les accueillent avec le... Manuel et Sandrine sont en charge du mariage du vendredi. Julie, elle, s'occupe de celui du lendemain. Il y a pas de plan de salle. Un mariage en plein désert, avec un décor à monter de toutes pièces. On fait pas le plan de salle général déco parce que... Pour répondre aux demandes particulièrement exigeantes des futurs mariés, notre équipe sait que le chemin risque d'être semé d'embûches. Donc ça, c'est bon pour le vendredi? Oui. Deux jours plus tard... Arrivé au pied des montagnes de l'Atlas, dans celle que l'on surnomme la Perle du Sud, Marrakech. Nous y retrouvons nos trois organisateurs. Pour Julie, ce n'est pas encore le rush. Le mariage dont elle s'occupe n'a lieu que demain. Moi, je n'aurai pas le temps de manger ce midi. Moi, je veux un œuf demain. Pour Manuel, en revanche, plus que 6 heures avant la cérémonie. Rivé à l'oreillette de son portable, il est sur le pied de guerre. On va 15 heures, de toute façon, t'as un peu de l'aise jusqu'à 15 heures. Ok, nickel. Nous, ce matin, avec Sandrine, aller installer l'église. Et puis ensuite, installer toute la déco en fait de la table. On a pas mal de points techniques à faire avec le DJ. Et après, la coordination générale et l'arrivée des invités prévue 18h. Nous, on puisse déjà dans un premier temps... Deux mariages en 2 jours. Ce petit déjeuner au bord de la piscine, ce sera leur seul moment de répit. Mettre des paillettes, enfin faire que l'univers soit sympa. Quelques heures plus tard, direction le lieu des festivités. Julie n'a que 24 heures pour transformer ce coin de désert en un endroit féerique. Alors, pas le temps de traîner. Là, en gros, on est un peu au milieu de nulle part, comme on peut le voir. Normalement... Julie semble un peu perdue. Véro ? Sur place, elle se fait aider par Véronique, sa représentante au Maroc. Ce qui était vu, c'est que du coup, tu vois, en face de la tente là... Ensemble, elles font le tour du propriétaire. Là, ici, la piste de danse, ok, voilà. Qui va être là. Donc du coup, tu mets le DJ là, c'est pas mal. Ici, c'est la piste de danse. Là, c'est la piste de danse. Donc là, on danse. Donc, c'est difficile à s'imaginer. Là, au sol, là, ici, tout ça, c'est la piste de danse. Ici, on va mettre le DJ. Là, d'accord. Et là-bas, on a fait un petit espace un peu lounge, sympa. On va pouvoir boire un petit thé, un petit open bar, ambiance un peu chicha, orientale. Non, mais, rien n'échappe à Julie. Tout de suite, elle remarque quelque chose qui ne lui convient pas. Une tente n'est pas bien placée, alors elle s'en plaint à Mohamed, le chef des ouvriers. Ce serait quand même que cette tente-là, même si elle est montée... Je sais que je suis un petit peu tatillonne là sur ce coup-là. Mais j'aimerais bien, si tu veux, que quand mes invités arrivent là-bas, ils aient vu directement sur la tente. Tu vois, donc ce qu'il faudrait, c'est que quand les invités arrivent là... Déplacer la tente ne serait-ce que d'un mètre, pour Julie, ça va faire la différence. La tente habillée avec les bougies, tout ça. Ils aient vu directement sur la tente et ils n'aient pas vu sur un dos de tente. Là, pour le coup, c'est pour que l'arrivée des invités soit royale. Et quelque part, si là, ils arrivent et qu'ils voient un dos de tente, c'est moins royal et c'est moins Marrakech, oriental, tout ça, que si ils sont là, ils ont vu une vue directe sur le dîner, je pense que là, ça va les scotcher. Et en moins de 5 minutes, Julie obtient ce qu'elle veut. Bouge pas. Super. Merci. À tout à l'heure. Manuel et Sandrine, de leur côté, sont à moins de 4 heures de l'autre mariage. Ils arrivent à la paroisse des Saint-Martyrs de Marrakech. On est un petit peu complet. On va vous suivre. Les mariés veulent une décoration simple et élégante. Il faut les surprendre tout en s'adaptant aux contraintes du lieu. C'est pas joli, là. On va les couper. Ah oui, là, il faut les couper, là. Je vais aller chercher le coupe-coupe. Là, il faut les couper parce que c'est moche. On met un soliflore, un photophore. Normalement, on met des pétales, en fait, sur le sol, mais le prêtre ne veut pas. Donc, c'est un petit défi pour nous. Et c'est vrai que comme les mariés n'ont pas forcément coordonné l'intégralité de cet événement en particulier, c'est voilà, c'est de faire que ils ont une petite magie quand ils vont entrer, ils connaissent pas forcément comment ça va être fait. Mais être au service de riches mariés, ça ne se limite pas à la décoration florale. En casquette et maillot de foot, le prêtre de la paroisse arrive. Avant de célébrer la messe, il veut s'assurer que le protocole religieux est bien en règle. Il nous faut l'acte de mariage civil. S'il n'y a pas ça... On ne peut pas les marier. Il faut leur dire que s'ils ont... On va appeler Vincent tout de suite. Même les questions administratives et religieuses, c'est Manuel qui s'en charge. À l'autre bout de Marrakech, Julie enchaîne les allers-retours en voiture entre le lieu de la fête et la villa de la mariée. C'est bon, j'ai tout. Je vais déposer déjà la robe et là, j'avais oublié le serre-tête et les rubans. Donc je vais aller lui déposer pour qu'elle ait toute prête demain pour sa coiffure, son maquillage, etc. La mariée est en train de faire sa petite cérémonie au henné avec ses copines. Donc, on va juste être assez discret. Prendre tout en charge sans jamais se faire remarquer, c'est essentiel pour être au service des riches. Il y a là où elle a disposé toutes ses petites affaires. Donc là, c'est sa tête. Voilà, je vais mettre là. Les chaussures sont là. Et la robe est là. C'est bon. Ok. Vous avez le droit à quand même rentrer un petit peu dans l'intimité là aussi de... Bah, en même temps, je l'ai suivi durant tous les essayages chez le créateur de robes qui a fait cette magnifique robe des princesses. Donc, bien évidemment, après, je me dois discrètement de compléter toute la tenue. C'est vraiment un peu de petite main, là. Oui, aussi. C'est aussi notre rôle de faire que tout soit au bon endroit, au bon moment. Donc, voilà. À quelques kilomètres de là, pour le mariage dont s'occupe Manuel, on part la villa d'Ardaba de ses plus beaux atours. Depuis près de 3 jours, une vingtaine de personnes s'affairent pour décorer cette villa de 2000 mètres carrés, avec piscine, en pleine palmeraie. C'est ici, dans quelques heures, qu'auront lieu les festivités du mariage d'Anne et Vincent. Je me doute que t'es pas du tout stressé par la préparation. Non, ça va, tranquille. D'accord. Coiffure, maquillage, prévu quand ? Eh bien... Depuis plusieurs mois, Manuel orchestre les préparations de leur union. Grâce à lui, jusqu'au dernier moment, ils vont pouvoir profiter du farniente de Marrakech et de la villa qu'ils ont louée pour l'occasion. Tout va bien ? Ah ben moi, écoute, tout va bien. Tu vois, j'ai compris une chose, c'est... Faire un petit plouf faire et puis un après, petit plongeon. Après, voilà. Ouais, et après, douche, venu, hein. Douche et voilà. Et parti. Et d'accord. Parti. Toi, t'as prêt. Vous avez prêt. C'est le grand jour. Eh oui, ma foi. On dirait pas, hein. Et pourquoi Marrakech? Pourquoi Marrakech? Parce que, on se voyait pas nous marier en fait dans nos régions respectives. Donc l'Est ou la région Tourangelle. Et donc on profite aujourd'hui avec la maison. Grâce au travail de Manuel, à moins d'une heure de la messe, le marié peut même s'offrir le luxe de piquer une tête dans la piscine. Notre organisateur, lui, continue de courir aux quatre coins de la villa pour s'assurer que tout est en ordre. C'est prévu de monter quelques chaises et tout. Le buffet des viandes devient le buffet des serres, comme ça on pouvait faire une vraie arrivée de pièces montées. Il est maintenant l'heure de partir à l'église. Manuel se transforme alors en chauffeur. Vincent les a dans son sac. Super. C'est bon, moi j'ai tout et puis j'ai tes agents. D'accord. Super. Oh, bah super. Devant l'église, Manuel devient même nounou pour les enfants d'honneur. La célébration est lancée. Manuel peut enfin souffler. L'église, c'est pas toujours le moment le plus joyeux pour nous. C'est au moment où on a le temps, comme on sort d'une grosse période de stress, on a le temps de se poser un petit peu tranquillement. Ah non, et moi je trouve ça super émouvant. Sandrine aime bien. Ah non, moi j'adore, je trouve ça super émouvant. Puis c'est le moment où on voit nos mariés aussi super émus et c'est... Pour la centaine d'invités venus de Paris, il faut impressionner. Pour la soirée, Manuel a donc créé deux moments forts. Sur le toit de la maison d'abord, au moment du coucher du soleil, cocktail au champagne, avec vue sur l'Atlas. Et puis la nuit tombée, un dîner gastronomique au bord de la piscine. Mais là où tout se complique pour Manuel, c'est au moment de servir la pièce montée. Une immense pyramide de macarons multicolores. Mais si, on passe là. On est vraiment obligé d'être à quatre. En fait, on a un problème avec la pièce montée. On voudrait qu'elle arrive à côté de la piscine, mais comme on a mis les buffets, on peut pas passer. T'as pas un plateau à roulettes, une connerie? Pour arriver directement devant les mariés, Manuel ne va pas choisir la solution la plus simple. Si moi je te la solidifie là... Pas moins de 5 personnes sont là pour porter la pièce montée. Un petit peu, Damien, lui aussi est obligé de mettre la main à la pâte. Un vrai numéro d'équilibriste. Ah là putain, elle craque en dessous la pièce. Mais non. On y va doucement les gars, allez. C'est bon là, on est bon. Vas-y, relève-toi Damien. Attends, avancez pas. Finalement, l'effet est réussi et les mariés conquis. Pour Manuel, le marathon ne s'arrête pas là. Dès demain, il va devoir venir en aide à Julie. Car pour elle, ce n'est pas gagné. Quelques grains de sable vont venir contrarier ses plans. À Miami, après seulement quelques heures de sommeil, Iman est déjà de retour au bureau. La première de ses priorités, ouvrir ses mails pour vérifier si un des clients n'a pas une nouvelle lubie. À peine le temps de boire son café, que c'est déjà reparti. Cette fois, le milliardaire allemand veut faire un tour en hélicoptère. Iman appelle Rodrigo en renfort. Hello Rodrigo, good morning. Bonjour Rodrigo, je sais qu'il est tôt, mais est-ce que tu peux me rappeler pour me confirmer l'email concernant l'hélicoptère? Monsieur Jagosinski le veut pour 16h aujourd'hui. Donc s'il te plaît, rappelle-moi vite pour me tenir au courant. Merci beaucoup. A priori, trouver un hélicoptère à Miami, ce n'est pas très compliqué, il suffit juste d'y mettre le prix. Seulement voilà... Christian Jagosinski ne fait jamais rien comme tout le monde. Il veut que son hélicoptère se pose juste à côté de chez lui, sur son île. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis en train de parler au manager de sécurité de Fisher Island et c'est lui qui va me donner la permission de faire ou bien autre option ou une autre idée. Sans eux, on ne peut pas atterrir. Grâce à son réseau et à force de persuasion, Iman... obtient le droit de faire poser l'hélicoptère au pied de la villa de Christian Jagosinski. Ok, parfait. Merci beaucoup. On est prêt pour 16 heures. Je vous rappelle avec les coordonnées bancaires. Merci beaucoup. Parfait. Ok, parfait. C'est gagné. Très bien. Sécurité nous a donné la permission. Tout va bien. À 4 heures, on commence. Mission accomplie pour Iman. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Iman, son assistant, a une mauvaise nouvelle. Iman, I'm going to spell the last name for you. On a reçu un email de Christian. Il demande si on a vérifié qu'il pouvait le piloter lui-même. Donc je vais demander à Iman si c'est possible. Christian Jagosinski ne veut pas seulement que l'hélicoptère se pose sur son île. Voilà maintenant qu'il veut lui-même le piloter. Et cela, Iman ne l'avait pas du tout prévu. Elle commence à perdre patience. Attends, qu'est-ce qu'il veut prouver? Il veut montrer qu'il sait décoller et atterrir? C'est possible ou pas, Iman? C'est possible, tout est possible dans la vie. Mais en même temps, c'est la dernière minute et on nous demande quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, il nous demande de louer un hélicoptère, basically. C'est pas aller dans un hélicoptère. C'est pas juste un tour en hélicoptère. C'est ça. Il veut faire un tour en hélicoptère. Ça fait longtemps qu'il conduit pas. Il a envie de faire un cours d'hélicoptère, comme nous parfois on veut en vélo ou faire un pique-nique. Tout le monde a ses goûts. Et faire un tour en hélicoptère, c'est tout à fait normal dans ces murs. Après des dizaines de coups de téléphone, Iman trouve la solution. Aucun caprice ne lui résiste. Oui, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a un copilote avec lui, il pourra le piloter. Ok, donc on se retrouve là-bas. On part d'ici tout de suite. Il est quelle heure, hein? Il est 3h20. Yalla. Il est près de 16h. Christian Jagosinski n'a qu'une idée en tête, piloter son hélicoptère. Je voulais envoyer un hélicoptère avec pilote qui fait tout, mais ça ne m'intéresse pas. Alors si déjà je vole, je veux l'utiliser pour m'entraîner. Il faut s'entraîner de temps en temps, c'est comme la moto. Sinon, ça devient dangereux. Mais arrivé sur place, le milliardaire va vite déchanter. Rodrigo semble préoccupé. Il ne devrait pas tarder, mais apparemment, il y a un petit problème avec l'hélicoptère. Il est plus de 4 heures et l'hélicoptère n'est toujours pas là. Tom, c'est Rodrigo. Dis-moi ce qui se passe. No problem. Là. Ouais, ok. Ouais, je ne sais pas du tout pourquoi ils ne viennent pas. Bizarre. Donc il y a un vrai problème. On ne peut pas le faire alors. L'hélicoptère est au sol. Mais il n'y a qu'un seul hélicoptère ? Non, il en a un autre. Il m'a dit qu'il allait me rappeler pour trouver une solution. Allez, laissez tomber. Je vais appeler d'autres gens aussi, hein, pour voir ce que je peux faire. Moi, pareil, ça va pas le faire, là. Ok, merci. Ça va comme une frustration, finalement. C'est le problème à Miami. Pourquoi est-ce que vous pensez que j'ai quelqu'un qui s'occupe à plein temps de juste ma propriété ? Parce que de tous les fournisseurs qui viennent, si c'est plomberie, électricité, quoi que ce soit... je sais que 9 sur 10 vont pas pouvoir faire le truc. Et normalement, pour moi, c'était un coup de téléphone de base, mais maintenant, parce que l'autre n'était pas disponible, c'est vraiment devenu toute une recherche. Vous pouvez perdre votre temps quand même. Ouais, bon, c'est bête. Hello Phil, how are you? Christian Jagosinski est furieux. Il est même prêt à repartir. Mais pour Rodrigo et Iman, pas question de s'avouer vaincu. Il faut qu'on trouve une solution. En fait, vous ne pouvez pas accepter que... Oui, que ce n'est pas possible. Ça doit être possible. L'hélicoptère ne peut pas décoller. Mais Rodrigo et Iman ont plus d'un tour dans leur sac. Ils vont en trouver un autre. Ok, merci. Ok, merci. Bye. Okay, so we have another helicopter. J'ai un autre hélicoptère. Et c'est le même ? Oui, c'est le même. Et il vous laissera piloter. Ok, c'est très bien. Il sera de couleur grise. Qui a trouvé la solution ? Nous deux. Les deux ? Elle a trouvé les autorisations et moi j'ai trouvé l'hélicoptère. Mais je ne serai pas rassuré tant qu'il n'aura pas atterri. Oui, moi non plus. Un quart d'heure plus tard, fin du cauchemar, l'objet de tous les désirs arrive enfin. Christian Jagosinski décroche son premier sourire de la journée. Alors ça y est, vous êtes heureux ? Ouais, je suis content. Ça y est, c'est sûr, là. Comme un oiseau, on peut aller où on veut. C'est formidable, moi, ça me plaît énormément. Pendant que Christian Jagosinski s'éclate aux commandes de son hélicoptère, à terre, Iman et Rodrigo profitent d'un moment de répit pour enfin déjeuner. Il est 17h30. Which one is mine? This one? Thank you so much. Eh ben, parfois vous êtes servi. Oui, pour une fois ça change. On a des horaires de dingue. On mange à n'importe quelle heure, on dort à n'importe quelle heure, mais on est là tout le temps. Toujours avec votre portable pour être joignable? Oui, toujours joignable. On a toujours accès à nos emails. La voiture est là pour qu'on puisse partir tout de suite et répondre à n'importe quelle demande. Toujours. Et vous aimez votre travail, même si vous n'avez pas de temps pour vous? Oui. Oui, j'aime mon métier, mais je n'aime pas trop le style de vie. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier? Être joignable en permanence. Moi, j'aime bien faire mon travail et ensuite, quand c'est terminé, partir, rentrer chez moi. Mais parfois, c'est pas possible. Parfois, oui, vous avez une voix qui vous dit « Stop !» Mais vous ne pouvez pas. À peine le temps d'avaler un sandwich, qu'il faut repartir pour satisfaire les désirs d'un autre milliardaire. Cette fois, il prépare une réception dans une superbe villa de 3 étages sur Star Island. Hello. Bonjour. Hi, how are you? Je suis Rodrigo. Je suis le chef concierge de Villazzo. On vient juste d'arriver. Personne ne nous a ouvert, alors on s'est permis de passer par le côté. On va commencer à travailler dans la cuisine et à l'étage. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Michael est à l'arrière du bateau. Hello, Michael. Bonjour Michael, comment allez-vous? How are you? Bonjour. On vient juste d'arriver, on va commencer à tout préparer. À 7h30, c'est ça? Oui, 7h30, enfin 8h plutôt. Le dîner sera servi à 8h. On préparera un cocktail avant. Le client à l'arrière du yacht, c'est Michael Caponi, l'une des personnalités les plus connues de Miami. Ce roi de la nuit est l'ami des plus grandes stars et des présidents. Alors, pour Rodrigo et Iman, pas question de se rater. Pour l'occasion, ils ont même fait appel au chef des milliardaires, Alex Rubio. Vous avez l'habitude de cuisiner pour les riches personnes de Miami? C'est mon travail. Et les affaires marchent bien? Il y a beaucoup de travail à Miami. Et les gens aiment bien manger ici. Vous savez depuis quand je suis levé? Depuis 4 heures ce matin. J'ai préparé une fête pour 200 personnes aujourd'hui. Et aussi un déjeuner pour 250 personnes. J'ai fini et je suis arrivé ici. Il est quelle heure là? 18h. Et je continue. J'adore. C'est difficile de les satisfaire? Oui, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a une difficulté supplémentaire. Le client veut être servi sur le toit terrasse de sa maison. 3 étages à monter et à descendre tout le long de la soirée. Alors, Iman et Rodrigo ont fait appel à 2 serveurs supplémentaires. Il y a Emilio et Jacqueline. En tout, ils vont être 6 personnes aux petits soins des invités. Il est 19h30 et les amis de Michael Caponi arrivent. Jacqueline, elle, n'est pas encore prête. Pourquoi vous courez ? Parce que je suis à la traîne. Oui, je suis en retard. C'est bientôt l'heure du dîner. Et si je cours, ça va aller plus vite. Je veux absolument enlever les plis. Je trouve que ça fait plus professionnel. Autour de la piscine, pour patienter, un copain de Michael Caponi s'amuse comme il peut. C'est une belle nuit. C'est un beau moment pour ouvrir une bouteille de champagne. Les filles sont parties, elles avaient peur d'être aspergées. 30 degrés d'angle. Normalement, je fais ça avec un sabre, et ça fait une plus grosse explosion. Mais là, je me contenterai de ce couteau de cuisine. Je vais donner un coup sec sur le haut de la bouteille, et ça va la couper net. C'est beau, hein? Magnifique. Allons boire un verre de ce champagne rosé. Quel beau bruit, hein? Michael Caponi, lui, s'est fait attendre. Il est allé chercher une amie. Et tel une star, il arrive en dernier. All right, hello. On est sur une île qui s'appelle Sunset Island, sur Miami Beach. Et quatre îles privées qui s'appellent Sunset Island. Et this is one of them. C'est rare d'avoir la chance d'avoir ce genre de villa ici. Il y a 800 maisons, surtout à Miami, qui sont sur l'eau. Alors, un peu rare. Un privilège. Voilà, 3 millions et demi de gens qui habitent ici. Hein. Le maître des lieux arrivé, le dîner peut enfin commencer. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. En entrée ce soir, nous vous proposons un millefeuille de tomates au fromage de chèvre enveloppé dans son papier de riz. Enjoy. Ils paraissent contents. Ils rient, ils apprécient le repas. Certaines personnes ont même déjà terminé leur assiette. Je pense qu'on doit s'inquiéter quand ils ne parlent pas. Mais ils ne font absolument pas attention à vous. Je ne cherche pas à me faire remarquer. En bas, en cuisine, Iman s'agite. Ce qu'on fait, moi et Rodrigo, c'est coordonner les choses. C'est-à-dire, je suis ici en bas, il me dit que c'est OK de servir la table. Et c'est ce que je fais. Et pour eux, ce soir, c'est une soirée physique. Jusqu'ici, la soirée se passe à merveille. Une seule chose inquiète Rodrigo. Les amis du roi de la nuit ont une bonne descente et il a peur de manquer d'alcool. Même si la fin du dîner approche, il ne veut prendre aucun risque. Alors il n'hésite pas à mettre à contribution un des membres de l'équipe. Trois bouteilles de plus. Oui, trois bouteilles, ce serait bien. Et moins de 10 minutes plus tard, Anastasia, la stagiaire de l'équipe, arrive avec 3 bouteilles supplémentaires. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, really, really, really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it? I'm not trying to fool you. How was it? Very good. Ça va, tout va bien? Oui, je suis très content du service. Finalement, les inquiétudes de Rodrigo n'étaient pas fondées. Il leur restera même quelques bouteilles. J'ai vu dans le regard du client qu'il était satisfait. Donc pour nous, c'est une soirée réussie. Pour Iman et Rodrigo, la soirée est un succès. Il y en a un, en revanche, qui est moins heureux. C'est le chef. Vous avez vu mon couteau? C'est le type qui a ouvert les bouteilles de champagne avec. C'était mon petit bébé. Il est cassé, vous voyez? C'est toujours comme ça avec ce genre de clientèle? Ils font ce qu'ils veulent? Oh oui. Il va falloir que je le remplace. Retour à Marrakech. Julie, l'organisatrice de mariage de luxe, est à l'arrêt. Perdue. En pleine palmeraie. D'accord, mais tu, pour toi, il y a combien de temps depuis la route? Il y a 5 minutes, 10 minutes? Je vois pas tout ça sur mon plan. C'est la merde. Là, je le sens pas, hein. Je te le dis, hein. Toujours le goudron. Un village. À quelques heures du mariage, Julie n'a qu'une seule angoisse, que les invités se retrouvent dans la même galère qu'elle. Un village, une petite église, parce que même les Marocains savent pas où se trouvent la plupart des routes. Donc après, pour s'orienter, c'est un peu difficile. Si même les locaux connaissent pas la route, nous, on n'est pas prêts de la connaître. Alors, pour guider les invités, elle a préparé des petits panneaux d'indication. Bon, on va en mettre un là. On va pas voir grand-chose. À mon avis, faut que je mette les directions, hein, parce que c'est bien de mettre Villa Sekaya, mais en l'occurrence, c'est pas en dessous du panneau. Donc il faut que je mette la flèche. Bon, je sais pas si ça va servir beaucoup, mais bon, au moins c'est là. Au moins c'est là, hein, on aura essayé. À Marrakech, on les sent toujours un peu paniqués, les invités. Ils arrivent dans un pays qu'ils connaissent pas. Ils sont pas toujours très sûrs de tout ce qui va se passer. Donc forcément, ils vous appellent plein de fois pour s'assurer que tout se passe bien comme convenu. Pour au final rajouter un repas cachère ou « Ah tiens, il nous faudrait un lit bébé, il nous faudrait une babysitter, il nous faudrait un hôtel, il nous faudrait un avion, il nous faudrait changer notre transfert, il faudrait un taxi, il faudrait quoi. » Donc, on fait. En plus de se soucier du bien-être des invités, Julie doit régulièrement se rendre sur les lieux de la soirée afin de vérifier que les ouvriers sont dans les temps. Donc, ils ne respectent pas toujours les conducteurs. Donc, le tout, justement, c'est de garder son calme et de trouver les solutions à tout. C'est un peu ça aussi notre boulot, c'est d'encaisser tout le stress des mariés vis-à-vis du montage et de la préparation d'un mariage de cette ampleur. Donc, voilà. Donc, à nous de rester zen, de rester serein, quoi qu'il arrive, et d'être réactif. La piste de danse montée, Julie file sur le lieu de la cérémonie. C'est dans cette villa, au bord de la piscine, que les mariés vont échanger leurs alliances. Julie sait que les mariés sont particulièrement exigeants. Alors au moment de faire le point avec le futur époux, Julie est dans ses petits souliers. On a installé du coup la cérémonie en face. On avait hésité à la mettre vers là-bas. Vers l'olivier, là où, sous la tente, mais bien évidemment compte tenu du temps, qui est Clément avec nous, on l'a mis là-bas. Ça va, là où ouais, c'est bien. C'est bien là? Oui. Bon, très bien. Vous êtes passé par là? Ça a l'air d'être bien parti. Pour l'instant, je suis content. Et pourquoi vous avez fait appel à ce genre de service, justement, pour ce jour important. On cherchait à avoir un mariage un peu original, qui sortait de l'ordinaire. Tous les deux, on n'a pas beaucoup de temps. Donc l'avantage de l'agence, c'est qu'on gagne du temps. Il faut quand même diriger les choses. Ils n'ont pas toutes les bonnes idées. C'est aussi à nous d'avoir les bonnes idées. Et ensuite, quand même les diriger. C'est pas que eux qui décident. C'est aussi nous. Pour le moment, tout s'annonce sous les meilleurs auspices. Les invités arrivent et jusqu'ici, personne ne s'est perdu. La cérémonie va pouvoir commencer. Manuel, lui, est venu prêter main forte. Mais une fois tout le monde installé, il manque des convives et pas des moindres. Bon, là, on a quelques petits soucis de transfert, des choses comme ça, avec des gens qui sont assez perdus, avec des taxis, la barrière de la langue pour leur expliquer. Donc on a envoyé Véro, en fait, qui, elle, habitant ici, parle arabe. Donc ils sont, en fait, partis au croisement de la route de Ouarzazate pour récupérer, en fait, les taxis des familles pour pouvoir, en fait, démarrer la cérémonie, parce qu'il nous manque, en fait, le papa de Guillaume pour démarrer la cérémonie. Donc ce qui est quand même un petit peu gênant. Le papa de Guillaume, c'est le père du marié. Au final, il n'aura qu'un quart d'heure de retard. Bah, ici, c'est Marrakech. Mais c'est suffisant pour le mettre en colère. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de nom sur les routes. À ce moment-là, on met des panneaux. Bah, il y a des panneaux pour la Villa de la Saint-Marie. C'est invisible, vos panneaux. Visiblement, les petits panneaux de Julie n'ont pas suffi. Personne ne comprend votre plan. Bah, c'est le plan qui donne ici. Donc, du coup. Mais si, monsieur, on l'a fait. Il marche, mais alors. Là, j'ai 11 personnes qui sont dans les taxis partout. Mais on va aller les trouver. On va aller les rechercher. Mais c'est le problème avec Marrakech à chaque fois. Vous savez, c'est pas. C'est un truc plus simple que ça. Mais là, vous avez vu le décor. Non, mais c'est nul, je vous dis, moi. Mais non. C'est complètement nul. Mais non. Mais en même temps, pour arriver en plein milieu ici, il faut faire le plan. Julie va tenter de rattraper le coup en faisant du zèle auprès de la mariée. Quelques instants avant des moments d'émotion. Le moment d'émotion, ça a déjà commencé depuis longtemps. Ah bon? Regardez, j'ai un bouton qui me tient, là, qui n'est pas tombé par terre. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Non, il est sur ma jambe. Bon, attendez. C'est bon. Allez-y. Je vais voir les Après quelques sueurs froides, Julie peut enfin souffler. Et Uriel la mariée, arrivée au bras de son père, sur l'une de ses musiques préférées. Pas le temps d'assister au consentement des époux, Julie doit retourner sur les lieux de la fête. Au moment où la nuit tombe sur la palmeraie, tout est en place pour les festivités. Pour ne perdre personne en route, Julie n'a cette fois pris aucun risque. Je la rappelle. Bon alors. Pas de risque qu'ils se perdent là pour arriver jusqu'ici. C'est quand même... Non, là c'est bon. On a fait tout un convoi exprès pour que du coup tout le monde puisse bien trouver, sachant qu'un terrain perdu dans la palmeraie, il n'y a pas vraiment d'adresse. Hein. Donc là, on fait un convoi et tous les transferts du coup ont été rajoutés compte tenu des difficultés de transfert qu'on a pu. Ça s'est calmé. Voilà. Reste une ultime mission. Julie doit au plus vite repérer les mariés pour préparer leur arrivée. Je cherche les mariés. Les mariés sont où ? Ils veulent faire une entrée de prince et princesse. Et arriver en dernier, une fois tous les invités installés. Ils passent tous entre les hommes bleus, c'est ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Et arrivé ici, après... Il ne faut pas qu'ils voient les chaises à porteurs qui planquent. Non, mais c'est bon, là, ça va être... Non, mais là, ils ne peuvent pas le voir, là. De toute façon, c'est celui-là que vous voulez. Ouais. Au petit soin de la mariée, Julie devient une assistante personnelle. À côté de la table. Hop. Alors attendez. Mais au moment de s'installer dans les chaises à porteurs, ça coince. C'est une grande robe. On va plus vous voir, attendez. La meringue, elle s'est plantée, là. Attendez, c'est bon ? Qu'est-ce que je me sens ? Est-ce que j'ai le droit de mettre un jean ? Parce que là, j'ai un jean. Non, mais vous êtes trop belle dans cette robe, vous êtes folle. Attendez. Vous saviez que c'était prévu, ça, ou c'est une surprise ? Oui, ça, c'était dans le scénario. Mais c'est bien, ça correspond bien. Donc ça, c'est bon, mission accomplie. Et puis de toute façon, même s'il y a toujours des hauts, des bas, il y a toujours des choses à régler au dernier moment, c'est ça notre métier. Le but, c'est d'apprendre jour après jour et devenir parfait au final. Parce qu'il demande tout le temps la perfection. Être au service des riches ne laisse pas de place à l'improvisation. Loin des palmiers marocains, à Denver, c'est l'effervescence. Dans moins de 5 heures, commence le dîner protocolaire. Avant l'arrivée des invités, c'est le moment des derniers réglages. À commencer par la table. Un grand dîner, c'est avant tout une table parfaitement dressée. Le verre à eau doit toujours être en face de ce couteau. Vous avez bien vérifié l'alignement des verres ? Pourquoi c'est si important d'avoir une jolie table ? Parce qu'ils aiment bien montrer leurs belles argenteries. Nos élèves doivent donc bien savoir dresser la table. Il arrive même que ce soit les majordomes qui apprennent à leur patron comment faire. Pourquoi ? Parce que ce sont des nouveaux riches ? Oui, parce que ce sont des nouveaux riches. Pour le dîner de ce soir, pas moins de 7 plats vont être servis. Autant d'assiettes et de couverts à changer. Un menu gastronomique préparé de main de maître par William Althoff, un chef qui a travaillé pour les plus grands. J'ai servi les présidents Reagan, Bush et Clinton, et aussi le vice-président Al Gore. J'ai été le chef de sa maison pendant 5 ans, donc j'ai vraiment l'expérience des clients exigeants. Servir les plus grands, il en a l'habitude. Il le fait depuis plus de 30 ans. Il sait que ce n'est pas toujours facile. Une fois, j'étais à Vancouver. Je n'étais pas dans la cuisine. J'étais serveur. Et je m'approche pour servir le président Yeltsin. Je m'apprête à servir le vin. Et là, il y a du bouchon qui tombe dans son verre. Et là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Alors je suis reparti, j'ai remis un verre plein, j'ai repris l'ancien, et là, tout le service d'ordre me tombe dessus, en me disant, qu'est-ce que vous faites ? Heureusement, M. Yeltsin a dit, non, il y a du bouchon dans mon verre. Ça a été la pire expérience de ma carrière. Ils croyaient que je voulais empoisonner Yeltsin. À l'étage du dessus, dans sa chambre, David, lui, est beaucoup moins détendu. Comment ça va ce soir ? Je suis un peu nerveux, à vrai dire. Je suis le premier surpris. C'est vrai, je suis nerveux. Mais vous savez, ça ira. Ça va être comme du théâtre. Ce soir, pour David, c'est nœud papillon de rigueur. Il est en charge d'accueillir les invités. Alors, comme un comédien dans sa loge, il répète une dernière fois son texte. Quand il sera temps de passer à table, les portes du salon seront encore fermées et d'un seul coup, ça va s'ouvrir. Et je sortirai et je dirai « Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue chez Madame Starkey. Le dîner est servi. » Monsieur Intel, installez-vous, je vous prie. En France, on dit « à table ». À table. Dans la pièce à côté, Kirsten, elle aussi, est en pleine concentration. C'est la première fois que je sers un dîner d'une telle importance. Mais on a beaucoup répété et on s'est bien amélioré. Et dans ces moments-là, vous pensez à votre famille ? Vous aimeriez qu'ils vous voient ? Absolument, j'adorerais. Je suis loin d'eux depuis 3 semaines maintenant. J'ai un mari et 2 petites filles. Et je pense qu'ils vont être surpris de savoir tout ce que j'ai appris. Je crois qu'ils vont être fiers. Comment vous vous sentez ? Nerveux. Il est 19h30. Les invités de Marie-Louise Starkey arrivent. Est-ce que je peux vous voir tous ? Avant le début du dîner, Marie-Louise Starkey donne ses dernières consignes. C'est magnifique. C'est une parfaite mise en place de printemps. Passez une belle soirée. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. C'est votre soirée. Ne vous inquiétez pas. Ok, tout le monde est prêt ? Commencez. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Madame Starkey. Le dîner est servi. Monsieur Sangelis, voulez-vous rejoindre la table ? En cuisine, c'est le coup de feu. Maintenant que les invités sont installés, il ne faut pas les faire attendre trop longtemps. Alors, il n'y a pas une seule minute à perdre. Je suis si nerveux. Ne soyez pas nerveux. Merci, chef. Vous faites du bon boulot. Merci. Et n'oubliez pas vos mains. Pour ajouter une difficulté supplémentaire à cet exercice, Marie-Louise Starkey leur a demandé de servir en miroir, une méthode très délicate à maîtriser. Les serveurs doivent se courber avec une symétrie parfaite. Carlos est en charge du signal. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien. En fait, c'était pas si terrible. Mais bon, ça ne fait que commencer. Comment savez-vous quand vous devez apporter les plats ? Monsieur Shoemaker est positionné à la porte pas loin de Madame Starkey et ensemble, ils ont mis au point un code. C'est elle qui décide à quel moment il faut lancer les plats. Quand elle fait signe à Monsieur Shoemaker, il donne un petit coup de pied dans la porte battante et comme tout le personnel est de l'autre côté, on sait qu'il faut se préparer. Un coup d'œil très discret de Marie-Louise Starkey. Maintenant, suffit à déclencher le coup de pied. On a un temps précis à respecter. Tout est écrit. Donc on essaye de se placer en fonction de là où on est supposé être et de ce qu'on doit servir. Et maintenant, on attend. Et comme disent les militaires, dépêche-toi, attends, dépêche-toi, attends. Mais parfois, la machine est grippée. David tente de signaler à la cuisine qu'ils peuvent servir le plat suivant en poussant légèrement la porte. Mais derrière, personne ne réagit. Petit moment de solitude. David devra s'y reprendre à trois fois. Fort heureusement, les convives ne s'en sont même pas aperçus. Et un service qui ne se fait pas remarquer, c'est l'assurance d'un dîner réussi. La nourriture, c'est un élément, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le service. Comment ils débarrassent, la communication entre les serveurs. La nourriture, ce n'est rien à côté. Vous pouvez avoir un repas médiocre, si le service est parfait, la nourriture devient meilleure. Alors, pour ne commettre aucun impair et faciliter la communication entre cuisiniers et serveurs, ils ont reproduit un plan très détaillé de la table. Les noms des invités sont inscrits comme ils sont placés à table. S'ils ont des allergies ou des préférences, c'est précisé. Les cuisiniers veulent que l'assiette soit présentée d'une certaine façon. Nous devons la servir comme ils nous le disent. Désolé. Pas le temps de respirer. Il faut déjà repartir pour débarrasser. Jusqu'ici, les élèves n'ont commis aucune faute. Il leur reste à réussir la dernière étape pour que ce dîner soit parfait. En moins d'une minute, ils doivent tout ranger et remettre la salle à manger comme si le dîner n'avait jamais eu lieu. Pourquoi vous devez faire ça si vite ? On rouvre les portes et tout est propre. C'est la petite touche personnelle. Venez, deux personnes. À présent, ils peuvent regarder. C'est propre. En 30 secondes, c'est propre. On rouvre les portes et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont remarqué ? Vous savez, si nous avions laissé la porte ouverte sans débarrasser, là, ils l'auraient remarqué. À la fin du dîner, comme au spectacle, c'est l'heure du salut. Nous sommes la classe 97. Je suis David Schumacher de Washington, D.C. Et ça a été un immense plaisir de vous servir ce soir. Leur examen de passage est un succès. Marie-Louise Tarki est aux anges. Oui. C'est magnifique. Merci beaucoup. Vous êtes plus à la classe 97. Yeah. Ces étudiants peuvent désormais voler de leurs propres ailes et servir les gens les plus riches de la planète. L'été de Julie, Manuel et Sandrine est rythmé par les cérémonies. Chaque week-end, ils partent en France ou à l'étranger répondre aux attentes de jeunes mariés. À leur sortie de l'école de Madame Starkey, les quatre élèves ont connu des fortunes diverses. Comme prévu, de retour chez son patron, Carlos a été promu. C'est lui qui désormais dirige la maison. Kirsten, elle, n'a toujours pas trouvé d'emploi. Elle en profite pour s'occuper de ses deux enfants. David est désormais installé en Californie. Il est au service d'un milliardaire américain et gère une propriété à Los Angeles. Quant à Craig, il ne lui reste plus que quelques mois dans l'armée. Mais son avenir est déjà assuré. 3, 2, 1. Après 3 mois sans congé, Rodrigo a enfin pu prendre quelques jours de repos. Avec son ami, il profite enfin de la plage et du soleil de Miami. Iman n'a pas cette chance. Elle doit rester en alerte, au cas où. Un appel de dernière minute. On le sait bien, un caprice n'est jamais prévisible.